Nous sommes toujours dans le chapitre traitant des défauts de l'époux ou de l'épouse, donc des conditions du mariage et des défauts éventuels que pourrait trouver l'un des deux époux après avoir rencontré ou après être entré chez l'autre conjoint. Et nous avions mentionné qu'il y a deux types de défauts. Premièrement, les défauts pour lesquels le marié ou la mariée pouvait faire annuler le mariage, ce qu'on appelle al-fasr. Et deuxièmement, les défauts qui n'atteignent pas ce degré-là. Et pour pouvoir faire al-fasr, annuler le mariage, sans être redevable, il fallait avoir conditionné au préalable. Il fallait avoir mis en condition au préalable le fait de ne pas trouver chez l'autre tel défaut et tel autre défaut, par exemple. Ce qui est voulu par les défauts, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit « Ma yamna'u » أو قال كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله tout ce qui empêche celui qui s'est marié de tirer profit de ce mariage ou diminue sa perfection. Dans un autre passage il dit ما يوجب النفرة من الآخر, ce qui développe une répulsion ou une aversion, ce qui éloigne, ce qui amène dans le cœur de la personne une gêne, un désagrément, un éloignement, tout cela entre dans les défauts. Et ici on nous mentionne certains défauts. Ça n'est pas une liste exhaustive, non pas que seulement ces défauts permettent l'annulation du mariage, mais ce sont ceux qui sont mentionnés en général. Parmi les défauts que l'épouse peut trouver chez l'époux, les savants et fuqaha mentionnent ceux qui ont rapport avec l'intimité. Si la femme trouve que l'époux a un problème à la partie génitale et qu'il n'arrive pas à avoir de rapport, alors il lui est permis de faire annuler le mariage. Car ça entre dans les défauts qui permettent l'annulation du mariage. Car, parmi les sagesses du mariage, il y a les rapports et le fait de se préserver, de tirer plaisir dans le halal, dans le licite. Donc les savants disent que si l'homme a un défaut à la partie qui l'empêche d'avoir des rapports, soit parce que sa partie est coupée, soit parce qu'elle est anormalement petite, soit parce qu'il est impuissant, n'arrive donc pas à avoir d'érection pour avoir des rapports. Toutes ces causes-là permettent à la femme de demander l'annulation du mariage, car elle passera à côté de nombreuses sagesses du mariage. Le fait d'avoir du plaisir, le fait d'avoir des enfants, et ainsi de suite. Dans le cas où elle l'accuserait d'une chose et que lui la rejetterait, alors le juge le convoque. Soit elle apporte des témoins, soit elle devra démontrer et montrer que l'époux a déjà reconnu ce défaut. Et il cite comme exemple l'impuissance. Et à partir du moment où le juge aura connaissance que cet homme a eu la capacité d'avoir des rapports, on ne pourra pas accepter cette plainte. Et si c'est une chose qui est survenue, donc qu'il n'avait pas au début, mais qui est survenu par la suite, alors on lui laisse un délai. Il y a des fuqaha qui disent un an. Et si dans cette année il arrive à avoir des rapports, alors on dira de lui qu'il est exempt de telle maladie, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir des rapports. Pourquoi un an? Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dit que certains sont sujets à la différence des saisons. C'est-à-dire que dans telle saison, il a des envies, mais dans telle autre, il en a moins ou n'en a pas. Ainsi, en laissant passer une année, s'il n'a pas eu de rapport, on est sûr que ça n'est pas dû à la différence des saisons ou de la chaleur et autres. Et on a déjà mentionné l'histoire du divorce de Rifa'a. Lorsque son épouse s'est mariée par la suite avec un homme qui s'appelle Abdurrahman, elle avait prétendu à son sujet des choses qu'il a infirmées en montrant au prophète alayhi salatu wassalam qu'il a eu des enfants dans notre mariage. Ainsi le prophète sallam a pu attester qu'il n'avait pas cette maladie, cette incapacité à avoir des rapports. On dit de cet homme-là qu'il est innin, celui qui n'a pas la capacité d'avoir des rapports. On nous cite parmi les défauts que l'homme peut trouver auprès de la femme, pareillement tout ce qui concerne les maladies de la partie, que ce soit des liquides qui sortent, qui s'écoulent, ou que ce soit d'autres types de maladies, ou même des malformations. Le shir dit que pour toutes ces causes-là, et celles qui s'y apparentent, l'homme a le droit de faire annuler le mariage. Pourquoi? Car ça l'empêche de tirer pleinement profit, ou plutôt plaisir, de son épouse. Ça l'empêche de tirer pleinement plaisir de son épouse. Certaines femmes, le shir dit par exemple, sont fermées, ainsi l'homme ne peut pas entrer. Ça entre dans ces défauts-là. Il dit certaines ont des écoulements, que ce soit d'urine ou autre. Ça entre dans ces défauts-là. Parce que tous ces défauts, tous ces points-là, vont empêcher l'homme de pencher vers cette épouse et de tirer pleinement son plaisir. Il cite des blessures. Il cite aussi al-mustahaba, la femme qui a des écoulements de sang réguliers, même en dehors de ses menstrues. Il dit, il se peut que ça éloigne l'homme, que ça repousse l'homme, bien que ce sang ne soit pas impur, bien que l'homme a le droit d'avoir des rapports avec son épouse lorsqu'elle a cet écoulement. Mais certes, le fait que l'homme reparte en ayant été taché de ce sang-là, ça peut causer un certain dégoût et ça peut le repousser. Donc dans ce cas-là, ça entrera dans les défauts qui lui permettent de faire annuler le mariage. Les savants citent également celui qui, soit de naissance, soit suite à une opération ou autre chose, n'a pas de testicules. Ça entre dans les défauts qui permettent à la femme d'annuler le mariage. Et cela est évident pour plusieurs raisons. C'est que la production du sperme qui amène à avoir l'éjaculation donc des enfants a lieu à cet endroit-là. Donc si elles lui sont manquantes, elle n'aura pas d'enfant. Donc elle peut faire annuler le mariage. Mais dans le cas où on a une et non pas deux, donc il peut produire ce liquide et commercer avec son épouse normalement, ça ne lui permet pas d'invalider ça ne permet pas de faire annuler le mariage. Parmi les défauts, parmi les uyoub qui permettent à l'homme ou à la femme de faire annuler le mariage, il y a également el-junoub. Si on ne l'a pas informé et qu'il arrive et il trouve que la femme ou elle trouve que l'homme perd la raison. Il perd la tête. Alors, il est permis à l'époux ou à l'épouse de faire al-fasr, de faire annuler le mariage. Que ce soit sar'a, des crises passagères, plus ou moins régulières, ou que ce soit un état continu, na'am, tout cela permet de faire annuler le mariage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nuisance évidente ici. Si c'est l'homme qui est majnoun, la femme ne sera pas en sécurité. Ses enfants ne seront pas en sécurité. Na'am, il peut même lui causer de graves torts sans s'en rendre compte. Il peut la battre, il peut même attenter à sa vie sans s'en rendre compte. Donc sans aucun doute, elle peut faire annuler le mariage. De la même façon, l'homme, s'il trouve que la femme est majnouna, il a la permission de faire annuler le mariage. Et dans son cas, l'endurance, selon la situation, sera plus recommandée. Parce que lui, il peut lui venir en aide, bien plus qu'elle, elle pourrait lui venir en aide. Et des savants ont mentionné ce qui le pousserait à faire cela, c'est parce qu'elle pourrait lui amener une honte sur son foyer. À supposer qu'elle perd la raison, na'am, qu'elle sorte au marché, elle crie, ou elle enlève ses vêtements ou des choses qui amèneraient une grande nuisance, na'am, dans l'honneur de son époux ou de ses proches. Quoi qu'il en soit, c'est une cause recevable et valable pour l'annulation du mariage. Sans regarder la fréquence. Na'am, sans regarder la fréquence. Ils ont cité al-baras, la maladie de la dépigmentation. Donc des traces ou des taches sur le corps ou bien sur le visage, blanchâtre. Ceci est une cause qui permet également de faire annuler Mada le mariage. Par contre, si l'époux voit ce défaut-là, ou l'épouse voit ce défaut-là, et dit ben, « j'accepte, na'am, et je patiente », à ce moment-là, ce droit qui était dans sa main tombe. À ce moment-là, ce droit qui était dans sa main tombe. Et si par la suite, elle veut la séparation, la personne veut la séparation, sans aucun doute, le mariage aura déjà été consommé. Donc il ne pourra pas dire « je ne donne pas la dot parce qu'il y a tel défaut ». Non. Mais il sera obligé de donner la dot entièrement. Il sera obligé de donner la dot entièrement. À partir du moment, retenez qu'à partir du moment où le mariage est consommé, la dot revient de droit à la femme. Et il se peut que l'homme reçoive un dédommagement de la part de celui qui ne l'a pas informé ou qui l'a trompé. Ça peut être le wali de la femme. Ça peut être le wali ou bien le proche de la femme. Nous avons parlé ici de défauts que la personne ignorait et qu'elle découvre, donc à la nuit de noces ou autre. Que se passe-t-il pour les défauts survenus ou découverts plus tard après le mariage ? Il y a des défauts qui n'affectent pas la vie conjugale, et il y a des défauts qui affectent la vie conjugale. À ce moment-là, si ce sont des choses qui affectent, la personne a le choix. Et ça, ça arrive souvent dans les cas où l'un des époux a caché des choses et qu'on découvre par la suite. À ce moment-là, la personne a le choix. À ce moment-là, la personne a le choix. Une personne pourrait se dire, c'est quoi la faïda du fasr ? C'est quoi l'utilité d'avoir la capacité de faire annuler le mariage ? Quant à la femme, le divorce n'est pas dans sa main en islam. Il est dans la main de l'homme. Donc elle demande, elle, le divorce et l'homme divorce. Mais dans ce cas-là, le fasr n'est pas dans la main de l'homme. Elle-même, elle peut faire annuler le mariage. C'est dans cela qu'il y a une utilité pour la femme. Quant à l'homme, son utilité, elle est dans le fait que ça ne lui est pas compté comme un divorce. Ça ne lui est pas compté comme un divorce, ça ne lui est pas comptabilisé, si vous voulez, Et le deuxième point, c'est qu'il n'a pas à payer la dot. Le deuxième point, il n'a pas à payer la dot. Et elle reviendra à celui qui l'a trompé. Et le troisième point, c'est qu'il préservera son honneur et ne sera pas indexé ni catalogué comme étant un homme qu'on appelle mitlaq, quelqu'un qui divorce beaucoup les femmes. Il épouse les femmes, il tire profit de la femme, puis il la divorce. Puis il épouse une autre, il tire profit de la femme, puis la divorce, et ainsi de suite. Donc ça, c'est mal vu, et c'est un déshonneur pour cette personne, pour ses proches et autres. Donc en faisant le fesr, ça veut dire qu'il a une cause valable auprès du juge ou auprès de la société pour pouvoir faire annuler le mariage parce qu'il a été trompé. Donc, il ne sera pas mal vu. Il ne sera pas mal vu, il préservera ainsi son honneur. Et on retient que celui qui a connaissance du défaut, mais il s'assoit, comme on dit, sur son droit, et il agrée finalement le conjoint, à ce moment-là, le fesr n'est plus dans sa main. Il n'a plus la capacité de faire annuler le mariage. Et si plus tard il veut divorcer, il pourra divorcer. Mais le fesr se fait à ce moment, au moment où il a connaissance du défaut. Mais s'il l'agrée, il patiente, il dit « c'est pas grave, je laisse », à ce moment-là, il ne peut pas utiliser cette chose-là dans le futur. Maintenant, une question. Si la femme utilise le fesr, l'annulation du mariage, est-ce qu'elle doit observer une idda? Et est-ce qu'il lui revient de droit le mahr ou non? Si c'est la femme qui fait annuler le mariage, donc suite à un défaut qu'elle a trouvé chez l'époux. Ici, il y a plusieurs situations. La première, in kana hadha qabla ad-dukhul. Si ça a lieu avant la consommation du mariage. Wa qabla khalwatin shar'iyyatin ma'aha, et avant d'être resté en privé avec elle. De sorte à ce qu'il aurait eu la capacité de consommer le mariage. Donc ni il a consommé le mariage et ni il est resté avec elle dans une pièce où il aurait pu le faire. Seul avec elle, de sorte à ce qu'il aurait pu le faire. Non pas, par exemple, dans le salon avec sa famille. Non. Ou seul avec elle, avec sa mère. Non, on parle d'une situation où il aurait pu consommer. Dans ce cas-là, ni il est resté avec elle en privé, ni il a consommé le mariage, dans ce cas-là, il n'a pas d'id. Et ça, c'est valable pour ce cas-là, mais c'est valable de manière générale. La femme qui est séparée, na'am, alors qu'elle n'est pas restée en privé avec l'époux, alors qu'il n'a pas consommé, ni il n'a consommé, elle n'a pas d'id à observer, elle n'a pas de période de viduité à observer. Et la preuve de cela dans Sourate Al-Ahzab, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum min iddatin ta'taddunaha. Ô vous qui avez cru, si vous épousez les croyantes, puis vous les divorcez avant de les avoir touchées, c'est-à-dire avant d'avoir consommé, alors elles n'ont pas de période de viduité à observer. Elles n'ont pas de période de viduité à observer. Ça, c'est la règle. Si le divorce a lieu avant la consommation du mariage et avant d'avoir été dans la situation de pouvoir le faire, c'est-à-dire restant privé avec elle, alors elle n'a pas de règle à observer, de période de viduité à observer. Le deuxième cas, elle fait annuler le mariage, mais la cause, c'est un défaut qu'il y a chez l'époux, qui lui a été caché, elle a donc été trompée. Dans ce cas-là, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit falahadis ful mahar, elle a la moitié de la dot. Pourquoi? Parce que c'est pas elle la cause. Pourquoi? Parce que ça n'est pas elle la cause. Elle a donc la moitié. Et dans sourate al-Baqara, fanisfu ma faradtum. Pourquoi dans le premier cas, elle n'a pas de idda? On l'a expliqué. Mais elle n'a pas de mahar. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dit, elle n'a pas de mahar, car c'est elle qui a fait annuler le mariage. Car c'est elle qui a fait annuler le mariage. Elle n'a pas de mahr également dans le cas où c'est lui qui fait annuler le mariage. Pourquoi? Parce que s'il fait annuler le mariage, c'est pour un défaut qu'il a trouvé qui permet cela alors qu'elle ne l'a pas mentionné, bien qu'il faille le faire, qu'il fallait le faire. Si c'est lui qui fait annuler, il n'y a pas de dot. Pourquoi? Parce que s'il fait annuler le mariage, c'est qu'elle a un défaut qu'elle n'a pas mentionné, bien qu'elle devait le faire. Donc c'est lui à ce moment-là qui aura été trompé, il n'a pas de dot à donner. Soit il a annulé parce que il a trouvé un défaut sur elle qui permet cela. Soit parce que c'est elle qui a fait annuler le mariage. Dans ces deux cas-là, l'imam Shafi'i dit, elle n'a pas de dot. Donc pour la idda, je répète, s'ils ne sont pas restés en privé de sorte à pouvoir consommer, s'il n'a pas consommé, elle n'a pas de idda. Pour la dot, si c'est elle qui fait annuler le mariage, elle n'a pas de dot. Et si c'est lui qui fait annuler le mariage, elle n'a pas de dot. Sauf dans le cas où elle fait annuler le mariage pour un défaut sur lui qu'il a caché, ainsi elle aura été trompée. Là, elle a la moitié de la dot. Là, elle a la moitié de la dot. Le troisième cas, c'est si l'annulation du mariage a lieu après la consommation du mariage. Falahal mahru kamil. Ou kamilan. Elle a la dot dans son entièreté. Dans ce cas-là, elle prend la dot complètement. Pourquoi? Même s'il a donné 1 million de dot, elle a la dot complètement. Parce que la dot est rattachée à la consommation du mariage. Et ici, il ne peut faire marche arrière. Mais dans le cas où lui a été trompé, ben, la dot sera assumée par celui qui la trompe. Ça peut être le wali. Ça peut être le wali. Une autre question, est-ce que le wali peut empêcher la femme de se marier parce qu'il y a des défauts conséquents sur le prétendant, chez le prétendant? Les savants disent que si ce défaut-là se répercute sur la femme ou dans sa descendance, il est pleinement dans son droit de l'empêcher, d'empêcher ce mariage. Par exemple, Al-Juzam, s'il a la lèpre, là, il y a un danger pour la femme. Il y a un danger pour la femme. Et certaines maladies sont héréditaires. S'il sait que l'homme a telle maladie, il peut refuser le mariage de peur que ça se donne dans la descendance. Ça, c'est lors de la demande en mariage. Qu'en est-il plus tard? L'homme demande la main, mais il est majnoun. Le père refuse parce qu'il est majnoun, il va ramener un mal à sa mère. C'est tout à fait légitime. Mais dans le cas où elle est mariée depuis 1 an, plus ou moins, et qu'on entend que l'homme fait des crises, ou l'homme a une faiblesse, ou une incapacité, ou une impuissance, na'am, l'homme est touché d'impuissance dans l'intimité, dans le lit. Est-ce que dans ce cas-là, le wali peut faire une séparation Est-ce qu'il peut, il a encore ce droit-là? Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'avant le mariage, il est dans son droit. Après le mariage, c'est le droit de la femme. C'est-à-dire, c'est elle qui va décider si elle veut patienter dans cette situation-là ou si elle va demander la séparation. Ou si elle va demander la séparation. Et personne ne peut la contraindre à cela. Pourquoi? Parce que c'est rattaché à son droit désormais. Désormais, c'est rattaché à son droit. Et des choses qui sont permises avant d'entrer dans l'acte peuvent ne plus l'être après être entré dans l'acte. Un exemple, lorsque tu vas pour te mettre en état d'ihram et que tu te laves, n'est-ce pas que la sunna est de te parfumer? D'accord. Puis lorsque tu pars et tu as mis ton vêtement du ihram, est-ce que maintenant tu peux te parfumer? Non. Donc tu as pu faire au début ce que tu ne peux pas faire par la suite. De la même manière, lui, il peut empêcher au début ce qu'il ne pourra pas empêcher par la suite. Si la personne est en train de manger sahur, le repas de la fin de la nuit pour entamer un jour de jeûne, et qu'il entend l'adhan et qu'il est en train de boire, par exemple, est-ce qu'il peut continuer? Oui, il peut continuer. D'accord. S'il n'a pas commencé et qu'il a l'adhan, est-ce qu'il peut commencer? Non. Donc, la règle dit, est avéré au début ce qui ne l'est pas forcément par la suite. Naam. J'ai oublié la phrase qu'ils disent. Ils disent al-istidama aqwa min al-ibtida, ou une parole semblable. C'est-à-dire que la continuité est plus forte que le commencement de l'action. Donc ça, c'est un point important à souligner. Une autre question, man yafsakhu an-nikah, qui prononcera l'annulation du mariage? Est-ce qu'il faut forcément un juge? Est-ce que c'est le wali, si c'est la femme qui fait le fasr? Est-ce que c'est l'époux, si c'est la femme qui fait le fasr? Est-ce que c'est l'époux, si c'est lui-même qui le fait? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que l'avis prépondérant est que s'il n'y a pas de divergence, à ce moment-là, ils le font entre eux. C'est-à-dire s'ils ne sont pas dans la... Comment dire? S'ils sont d'accord et le fait est établi. Par exemple, il est impuissant, elle dit « j'annule le mariage » et lui, il reconnaît ce défaut. Ben, il n'y a pas besoin de faire intervenir, de ramener une personne, d'aller voir le juge ou quoi que ce soit. Non. Mais en cas de dispute, de divergence, s'ils ne tombent pas d'accord, s'il n'y a pas de conciliation, à ce moment-là, on revient au juge. Et c'est lui qui va trancher. Mais dans le cas où ils sont d'accord sur la chose, alors il n'y a pas besoin d'avoir recours au juge. Dans le cas contraire, comme dit Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, les tribunaux ne pourraient pas accueillir tous ces soucis-là. Le chapitre suivant, ce sont les mariages de ceux qui ne sont pas musulmans. Quel est le jugement du mariage de celui qui n'est pas musulman? Quel est le jugement du mariage de celui qui n'est pas musulman? Le jugement du mariage de celui qui n'est pas musulman est exactement le même jugement que le mariage du musulman. C'est-à-dire, s'il se marie, il est marié, s'il divorce, il est divorcé, s'il fait le frère. S'il fait l'annulation de l'annulation, s'il a eu des enfants, ils vont hériter de lui, et ainsi de suite. Il y a exactement les mêmes règles. Il y a exactement les mêmes règles. La mère d'un tel devient, yani devient le mahram de la mère de son épouse. Il devient le mahram de sa fille. Donc il y a les règles des liens d'alliance. Donc tout ce qu'on a dit pour le mariage en islam, on le dit pour le mariage عند أهل الكفر. La preuve de cela est qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens venaient embrasser l'islam, Est-ce qu'ils demandaient sur la manière d'avoir contracté leur mariage? Est-ce qu'ils ne posaient pas ces questions? Donc, les contrats qui avaient été effectués avant leur conversion étaient maintenus. L'épouse d'un tel restait l'épouse d'un tel. Et on ne refaisait pas le mariage. Et on ne demandait pas comment a été fait le mariage et ceci et cela. Non, on n'entre pas dans cela. La deuxième chose qui nous amène à ce résultat sans en avoir d'autres possibles, c'est que ça serait un grand désordre. Dans une société où les gens entreront en islam, on sera obligé de questionner sur des choses passées il y a 20 ans, il y a 30 ans, comment est-ce que tu t'es marié, qui étaient les témoins, que c'est impossible. Ça serait le désordre. Non, ça serait le désordre total. Donc retenez cette règle. La règle est le maintien des contrats de mariage de ceux qui ne sont pas musulmans sous deux conditions. C'est-à-dire il entre dans l'islam, son mariage passé est valable, son épouse et son épouse, on ne sépare pas entre eux. Sous deux conditions. La première, أن يكون العقد صحيحا في شرعه. C'est que dans leur din, dans leur législation, chez eux, ce mariage-là est authentique. Vous comprenez? Ce mariage-là est authentique. Par exemple, chez eux, si tu fais un mariage sans dot, est-ce que c'est bon ou pas? Ou non? C'est valable, ils ne conditionnent pas la dot. Non, ils ne conditionnent pas la dot. C'est valable dans leur din. Dans leur législation, c'est valable. Donc ça, c'est la première condition. Que dans leur législation, ce soit valable. Un autre exemple, il a épousé sa fille ou il a épousé sa sœur. Est-ce que dans leur législation, ça c'est valable? C'est permis ou pas? C'est pas permis, n'est-ce pas? Ils ne permettent pas cela. Donc là, on sépare entre eux. Pourquoi? Pas parce que dans notre deal c'est pas bon, parce que chez eux, c'est pas valable. Est-ce que la première condition est comprise? La première condition, c'est que dans leur législation, ce soit valable. La deuxième condition, Allah yarfa'u al-amr ilayna, c'est qu'ils ne viennent pas nous voir nous pour régler leurs différends, pour juger leur affaire. Parce que s'ils viennent nous voir nous, on va leur dire selon les règles de notre dîn à nous. On va leur dire selon les règles de notre dîn à nous. Et on va remettre de l'ordre dans ce contrat qu'ils avaient fait. Ça, c'est à condition qu'ils viennent nous voir en amont. À condition qu'ils viennent nous voir en amont. En aval, c'est notre règle. Donc après, c'est une autre règle. Une question subsidiaire, si ils viennent nous voir, ils se sont mariés, ils viennent nous voir et nous demandent un contrat de mariage. Dans un pays musulman, ils demandent un contrat de mariage. Ils ont besoin de papiers de mariage, de l'acte de mariage. Est-ce qu'on leur donne ou pas? Manudib. Est-ce qu'on leur donne ou pas? Non. Kamel. Le nouveau marié, Allah Mabarak. Est-ce qu'on leur donne le contrat ou pas? Non. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, on reconnaît leur mariage, on leur donne le papier? Oui, vous êtes tous d'accord? Non. Fi tafsil, ça dépend. On revient à ce qu'on a énoncé comme condition. On regarde, est-ce que chez eux, il est bon, le mariage? Et si c'est bon chez eux? Non. À ce moment-là. Non, à ce moment-là, on peut leur donner. Je vous donne un exemple. Ou plutôt noter comme règle, si elle lui licite au moment où il demande, plus précisément, c'est ça. Si elle lui licite au moment où elle nous demande le papier. C'est-à-dire que peut-être au moment de faire le mariage, Ça ne s'est pas fait dans de bonnes conditions selon nous. Un exemple, elle était dans sa période de Idda. Elle était Mada. Comment est-ce qu'on dit en français l'Idda déjà? Dans sa période de viduité. Elle était dans sa période de viduité. Il l'a épousée. Eux ne connaissent pas viduité et pas viduité. Non. Et lorsqu'il nous vient pour demander le papier, cette période-là est terminée. Est-ce que dans ce cas, on lui donne ou pas? Je vous répète la règle. On doit regarder au moment présent. Si elle lui est licite, on valide ce mariage. Si au moment où on parle avec lui, elle ne lui est pas licite, on ne valide pas ce mariage. Donc dans cet exemple que j'ai mentionné avec la Idda, le mariage a été fait dans la Idda de la femme. Est-ce que ça en islam c'est valable ou pas? C'est pas valable. Quand il vient nous voir, trois périodes mensuelles sont passées. Et sa Idda, elle, était trois périodes mensuelles. Que devrons-nous faire à ce moment-là? Est-ce qu'on lui dit de refaire un mariage? Est-ce que ou nuqirru hada zawaj? Est-ce qu'on reconnaît ce mariage-là? Est-ce qu'on lui donne le papier? Est-ce que? Dites-moi. Là, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'au moment T, à l'instant T là, elle lui est licite. Et nous, on doit regarder ça. À ce moment-là. Donc, c'est ça la règle qu'il faut retenir. C'est au moment où on parle avec lui. Est-ce qu'elle lui est licite ou pas? C'est ça la base que tu dois retenir. Deux personnes se sont mariées et ils viennent nous voir pour un différend. Dans leur législation, le mariage, comme il a été fait, c'est valable chez eux. Non. Et ils viennent nous voir et nous on voit qu'il y a des défauts par rapport à notre din an. Qu'est-ce qu'on a dit? On reconnaît ce mariage et il est valable. Pourquoi? Parce que chez eux, il est valable. Des exemples, il n'a pas donné de dot. Des exemples, il n'y avait pas le wali. C'est bon. Non. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est bon. Donc on va reconnaître ce mariage. Mais dans le cas où il vient, et c'est sa sœur qu'il a épousé. Non. Certains, wallah, il a ravi. Je ne sais même pas comment, yani quel mot utiliser pour ces actes ignobles, immondes et dépourvus de toute raison. Certains ont porté leur affaire au tribunal pour pouvoir épouser sa propre sœur qui sort du ventre de sa mère. Il dit qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser, que personne ne pourra se mettre entre lui et l'amour et sa bêtise. Quel amour ça, subhanallah azim, de vouloir monter sur ta sœur. Subhanallah. Peut-être même que certains parmi les animaux ne le font pas. Mais au nom d'une liberté qu'ils se sont donnée de faire n'importe quoi. Naam. Allahu Akbar. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, illa man safiha nafsa. Qui s'éloigne de la voie d'Ibrahim alayhi salam? Illa man safiha nafsa. Subhanallah. C'est de la bêtise, de l'idiotie totale. À la kulli hal, s'ils nous viennent dans cet état-là, on les sépare. Et on les envoie aussi se soigner. Parce que seule la folie ou la maladie t'amène à ce niveau-là. Non? A'oudhu billah. Et l'autre règle qu'on a mentionnée, ne regardez pas au moment où ils ont fait le mariage, mais regardez pour juger. Le juge regardera le moment présent. C'est-à-dire, si au jour d'aujourd'hui on lui parle, est-ce qu'elle lui licite là tout de suite ou pas? S'il dit oui, il n'y a pas besoin de refaire le mariage. Même si lui ne l'a pas fait en bonne uniforme. C'est pas un bon jeu de mots. Mais même si lui ne l'a pas fait dans les règles, Non. Parce que certains pensent que le jour du mariage, tu dois mettre un costume avec la cravate. Non. Ou là, le truc des curés, comment on appelle ça? La cravate, le truc des curés, le nœud de papillon. C'est ça ou pas? Le nœud de papillon, parce que ça ressemble à un papillon, c'est ça? Allah musta'an. Allez les papillons pour les petites filles. Ala kulli hal. Mais la belle tenue, comme on a vu notre frère hier, la tenue tunisienne. Comment t'appelles ça? C'est un nom, la tenue? Ou c'est un nom que tu ignores? C'est un nom que tu ignores. Naam. J'essaie de faire briller la Tunisie, mais t'as pas suivi. Khair, Inch'Allah. Allah mabarak. Donc, vous retenez cette règle. On ne fait pas annuler leur contrat de mariage ancien si, au moment où on parle avec cette personne-là, cette femme lui est licite. Dans le cas contraire, on doit séparer entre eux. Si c'est sa sœur, par exemple, et d'autres choses comme ça. Dans le cas où ils viennent nous voir après. Maintenant, je vais mentionner le cas où ils viennent nous voir avant. D'accord? S'ils viennent nous voir avant. Parce qu'on a dit que les deux conditions pour faire passer leur mariage, c'est-à-dire que c'est valable, qui se souvient de la première? Qu'ils respectent les conditions de leur législation. Et la deuxième, c'est qu'ils ne portent pas leur affaire auprès de nous, les musulmans, pour qu'on la juge selon l'islam. Comprenez? Là, on va prendre donc, tout ce que j'ai mentionné, respecter ces conditions. C'est qu'ils viennent nous voir après. Nous, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devra regarder? Est-ce qu'au moment T, elle lui est licite ou pas? C'est tout. Si oui, oui. Sinon, la séparation. Maintenant, on va prendre l'autre cas. Le cas où ils viennent nous voir avant. Donc, pendant le problème. Vous vous souvenez l'exemple qu'on avait mentionné? Il a épousé la femme pendant quoi? Elle rite pendant sa période de bidouid. Et il vient nous voir, il nous dit, je l'ai épousé pendant la période de bidouid. Est-ce que c'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On lui dit non. Pourquoi? Parce qu'il a porté son affaire auprès de nous. Et nous, on va l'orienter selon la vérité. Et le haq, c'est quoi? C'est ce avec quoi nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme guidé, comme droiture. Donc à ce moment-là, on lui dira non, tu te sépares, jusqu'à ce que sa idda se termine, lui tu l'épouses. Est-ce que la différence entre les deux situations est claire ou pas? Dans cette situation-là, il vient nous voir, il porte son affaire à nous. Il nous porte, il nous apporte son affaire. Et il est dans le mouchkil. Et à cet instant-là, elle ne lui est pas licite dans notre dîn. Donc forcément on va l'orienter selon al-haq. Qu'est-ce qu'on va dire? On va séparer. On lui dira une fois sa idda terminée, tu peux l'épouser. Un instant. Non. Tout le monde, si ce n'est que il y a une législation, elle diverge d'un groupe à un autre. Non. Là, on ne parle pas que des gens du Liban. On parle de manière générale. Je vous pose une question. Et vous me répondez, Inch'Allah Ta'ala. Un homme a épousé une femme sans wali, sans responsable, sans témoin. D'accord? Et il nous pose la question. Il vient nous voir. Est-ce que on reconnaît ce mariage-là ou est-ce qu'on ne le reconnaît? Non. La semaine passée, par exemple, il a fait ce mariage. pas de wali et pas de témoin. Est-ce que on reconnaît ce mariage-là ou non? Indaman. Non? Pourquoi non? Je n'ai pas entendu. Parce qu'il est revenu vers nous? Vous êtes d'accord? Non? Quelle est une autre réponse? Il ne respecte pas la première règle. Quelle était la première règle? De regarder dans la législation si c'est bon ou pas. Vous êtes d'accord avec lui? Donc eux, ils parlent wali, pas wali, témoin, pas témoin. On n'a pas grandi au même endroit. Donc, ça dépend de la législation de la Perse, de ce couple-là qui nous interroge. Si dans leur législation, on peut se marier sans wali et sans témoin, alors on reconnaît leur mariage. Si dans leur législation, il faut, on conditionne le wali et les témoins, alors Mada, ça n'est pas valable. On lui dit de refaire cela. On lui dit de refaire cela. Donc eux, ils ne conditionnent pas le wali. Mais certains conditionnent deux témoins. Non, certains conditionnent deux témoins. Ou des témoins, je ne sais pas combien. Donc retenez cela, il faut revenir à la législation de ces gens-là. Parce que la première condition est, il faut que ce soit valable dans leur législation. Attendez, une question, ça c'est important, surtout dans des sociétés comme celle-ci. Un homme fréquente une femme dans le haram. Comment ils appellent cette femme-là, comment ils l'appellent? Hein? Pas entendu. Il l'appelle sa concubine, disent en français, sa concubine. S'ils habitent ensemble, sa concubine. Sinon, comment ils disent en français? Sa petite amie. Pourquoi sa petite amie? Elle est petite de taille ou elle est petite, elle n'est pas assez noble pour être grande parce qu'elle n'est pas mariée? Pourquoi la petite amie? Expliquez-moi. Moi, j'aime bien la science du verbe. Si son ami, c'est général, vu qu'ils ont des amis, ils fréquentent les femmes sans penchant, selon eux, sans penchant assumé, mentionné. Donc on dit petit pour faire la distinction entre ses amis avec un E, na'am, dans le mot, et les autres. Barakallahu fik. Rajouter dans la définition la mienne, c'est parce qu'elle est trop petite, pas assez noble, parce qu'elle n'est pas passée par la porte du mariage. Alors elle restera toujours petite, même si elle fait 2 mètres. Donc, retenez ce cas de figure et on en parle. Un homme a donc une petite amie. D'accord? Les gens de la rue, si j'ai bien compris, au summum du dénigrement de la femme qu'il fréquente, sont arrivés à marcher sur son honneur, et elle est arrivée dans les... Il y a une profondeur abyssale au point où lui, il dit, elle, c'est pas mahalal. Et celle qui va épouser dit, elle, c'est mahalal. Yani, elle, c'est celle que je respecte, et kada, kada. Bien qu'il ne se respecte pas lui-même. Lui, c'est pas un halal alors. Ça se dit pour les hommes ou ça se dit pas? Ou bien c'est que les femmes. Il y a péché, pas péché. Et l'homme, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas comme ça en islam. C'est pas comme ça en islam. L'honneur, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Le halal, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Le haram, ça concerne les hommes, ça concerne les femmes. Et le prophète, alayhi salat wa salam, a dit dans cette religion de justice, An-nisa u shaqa i qurrijal. Les femmes sont les consoeurs des hommes. Où sont celles? Où sont ceux qui viennent dire que l'islam n'a pas considéré la femme, que l'islam avilit la femme que l'islam fait et l'islam fait. Non. C'est toi qui t'es humilié en t'éloignant de l'islam. Non. Une parmi les khabithat, qu'Allah Azza wa Jalla lui donne ce qu'elle mérite, dit, sans aucune pudeur et aucune intelligence, visiblement, je ne sais pas, mais moi, lorsque je suis sorti du ventre de ma mère, je n'avais pas de hijab. Idiote que tu es, ne sais-tu pas que le hijab n'est pas dirigé aux petites filles? Quelle est cette analogie dépourvue de toute intelligence, de tout raisonnement? Et c'est ainsi, lorsque la personne tente de s'attaquer à l'islam, elle s'humilie et s'avilit elle-même. Ne voyez-vous pas celui qui tenterait de cacher la lumière du soleil? Que penser de lui si ce n'est la folie et l'aliénation mentale? Plus encore, le fou est meilleur qu'elle, car lui au moins a une excuse. Mais elle prétend l'intelligence et une carrière journalistique ou autre. Masha'Allah. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous montre le bienfait de la raison en nous montrant des idiotes de la sorte. Na'am. Une des sagesses de voir une personne bête et stupide, c'est que tu te rappelles le bienfait d'Allah sur ta personne et tu dis Alhamdulillah. Tu remercies Allah pour avoir la raison et pour ne pas dire des sottises et des inepties semblables. Na'am. Donc cette femme-là utilise toute sa capacité pour attaquer les musulmans, pour insulter les musulmans, pour dénigrer l'islam et autres. Na'am. Elle accepte d'être cela. Quoi qu'il en soit, il fréquente sa sadira, sa petite amie, comme vous m'avez dit. Il la fréquente et il fait ce que l'homme fait avec son épouse. D'accord ? Et il vient nous voir. Et il dit elle. Et quand il parle d'elle, il dit ma femme. Vous m'avez compris ou pas ? Ça, c'est répandu. Il parle d'une fille de dehors, pour être courtois ou poli. Mais quand il la mentionne, peut-être il l'aime tellement qu'il dit ma femme. Ou bien comme il en fréquente que une, il dit ma femme. Quel est le jugement de cette relation? Vous avez compris la question? Il a une petite amie. Il n'a jamais fait un mariage en tant que tel. Il la fréquente. Et il fréquente que elle. Et ils se sont dit, on va être fidèles l'un et l'autre. Et ils s'aiment énormément, éperdument, et ainsi de suite. Quand il la mentionne, il dit ma femme. D'accord? Quel est le jugement de cette relation? Qu'il y a une réponse? Non. Ça dépend. Vous êtes d'accord avec lui? Pas d'accord avec lui? T'es pas d'accord non plus? Ah, t'es d'accord? Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est pas autorisé, c'est haram? C'est caduc, c'est batil? Non? Il y a des législations, il n'y a pas de mariage. Tu prends la femme dans la rue comme ça. Tu dis, elle, c'est ma femme à partir de tout de suite. C'est bon ça? C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça que tu dis. Vous riez, mais vous allez être surpris. Donc, ça là-bas, c'est que c'est bâté, caduque. Mais, chez certains, il n'y a pas le mariage à proprement dit. C'est-à-dire que celui qui fréquente telle femme, à partir du moment où ils ont des projets, à partir du moment où ils dépassent un certain degré d'amour, elle l'aime, il l'aime, il s'aime, il a des rapports avec elle, ils ont le projet d'emménager ensemble ou ils ont emménagé ensemble, ben eux, ils se considèrent mari et femme. C'est-à-dire, si un autre homme vient, on appellera ça de la tromperie, de l'adultère, et vice-versa. Vous me suivez ou pas? Dans ce cas-là, eux, ils sont comme mariés. Et dans ce cas-là, s'ils ont un enfant, ce sera l'exception où il ne sera pas considéré. Est-ce qu'on dit adultérin? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Il ne sera pas considéré comme un enfant adultérin. Mais légitime. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est comme ça. Chez eux, il n'y a pas le mariage, on ramène un tel, le père, les témoins, ceci, cela. Non. C'est, ils sont ensemble longtemps. Ils se vouent un peu fidélité, ils s'aiment beaucoup, ils vivent ensemble, ils ont des rapports ensemble, et pas avec d'autres. Ben pour eux, c'est comme ça le mariage. C'est ça la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, officialiser leur union. Peut-être ils font un repas, chez certains ils font un repas, ça suffit. Non. Enfin, subhanallah. Ensuite, il part de considération de la femme. Chez nous, tu peux pas. Viens prendre la femme chez un sonique. Wallah, tu mets même pas ton pied si tu poses pas de l'argent. Tu mets même pas ton pied. Tu dois poser telle somme, tel gramme d'or, qui coûte telle somme qui correspond à tel gramme d'or. Et ensuite, le jour où tu viens chercher la femme, il te faut attendre, jusqu'à ce que la raison parte et qu'il casse la tirelire. Non, ça c'est la coutume, tu dois payer une telle, tu donnes l'argent à une telle, après tu dois donner l'argent à un tel, ensuite une telle, elle demande, ensuite. Non, à qui perdra patience avant? C'est pire qu'acheter une voiture de luxe, la négociation. Non, ah, Kana, il va la chercher, la femme on la laisse pas, et sinon il va la chercher, et il vient avec des gens, et Kana, et il y a toute une cérémonie, tout plein de coutumes. Non. Il n'y a pas une négociation où là on peut faire un comment on appelle ça, un échelonnement, un échéancier ou un échelonnement, non. ça passe, mais tarfid abadan, une remise ou la diminution, il n'y a pas. Demande. Certains, ils sont encore en train de payer jusqu'à aujourd'hui. Après, ils s'étonnent pourquoi des fois il y a des petits trucs dans le cœur. C'est normal, il y a des trucs dans le cœur. Il a dépensé tout son argent pour toi. Après, tu parles. Allah musta'an. Ba'dan, il parle de la considération de la femme. Et là, je suis resté chez les soniqués. Si je monte un peu, hein? Si je traverse le Mali et je monte un peu, on ne finit même pas le cours. On reste dans les chiffres. Les cadeaux de mariage, le nombre de robes, c'est que ce qu'elle va mettre. Le jour de la Walima, tu ne vas même pas voir. Et ensuite les cadeaux, et ensuite les bijoux, et ensuite une telle, elle avait donné, elle a reçu tant, il faut que tu ramènes tant. Na'am. Masha'Allah. Ça, c'est si c'est une femme de la masse. Si c'est la fille d'un tel, c'est encore plus. Je n'ai pas compté ce que tu donnes au père, ce que tu donnes à la mère, à la tante. Non. Alors c'est qui ne considère pas la femme? Eux, tu sors là, c'est quoi la rue Racine? Il la prend, il dit c'est ma femme, on lui dit c'est sa femme. Masha'Allah. C'est ça la considération de la femme. Allah al-Musta'an. Rappelez-moi de vous mentionner l'histoire de Al-Harith ibn Auf et son épouse. Al-Harith ibn Auf et son épouse. Et c'était le chef des Arabes à son époque, le plus noble. Rahimahullah. Donc cette question-là, retenez-la. Et j'ai, par pudeur et par incertitude, je ne cite pas certaines origines de peur de blesser certains de nos frères et sœurs. Mais j'ai en tête une ou deux origines où ça se passe comme ça. Bien que eux soient innocents de cela, lorsqu'ils se convertissent, ils ne portent pas la responsabilité, bien sûr, des habitudes de leur peuple ou de leur pays d'origine. Mais chez certains, c'est connu que c'est comme ça. Donc dans le cas, étant, on ne dira pas qu'ils ne sont pas mariés, et on ne dira pas que l'enfant né de cette union-là n'est pas légitime. Mais dans le cas où eux-mêmes ne se considèrent pas mariés, que chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Dans ce cas-là, c'est ça, Ashiqa, c'est ça, allez, c'est son amour passionnel, c'est sa passion, sa petite amie, et ainsi de suite. Là, par contre, ça, c'est de la fornication pure. C'est de la... ça n'est pas considéré comme une union licite, comme une relation licite. Et les enfants ne seront pas légitimes. Donc, on revient à la question initiale. S'ils viennent nous voir, qu'est-ce qu'on leur répond? Il dit, par exemple, je veux aller dans tel pays, mais on m'a demandé un contrat de mariage. Qu'est-ce qu'on lui répond? On regarde dans son, dans leur législation, est-ce que ça pour eux c'est un mariage ou non? Si c'est valable, c'est valable. Si ça n'est pas valable, ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on dira alors à ce moment-là? On ne les sait pas. Pourquoi? Parce qu'il est, il a monté son affaire auprès de nous à un moment où là, ou un moment dans lequel elle ne lui est pas licite. Donc qu'est-ce qu'on fera? Farq baynahuma. On ne sait pas. Voyez. Un autre cas. Un homme a épousé une femme et il a épousé aussi sa sœur. Un homme a épousé une femme et il a épousé aussi sa sœur. Puis, il se convertit à l'islam. Quel est le jugement de ses mariages? Puis, il se convertit à l'islam. Quel est le jugement de ses mariages? Qui répond? Frère sur la chaise. J'ai pas entendu, excuse-moi. Il est licite. Une femme et sa sœur. Celui-ci, t'aurais beaucoup aimé comme juge. Tu dis que c'est licite parce qu'on regarde dans leur législation si c'est permis. Tout ce que tu as dit, c'est bon, sauf que tu as oublié une règle principale, primordiale. Ça te revient ou pas? Comme tu as croisé les bras, dans cette gestuelle, cette communication corporelle, des fois, ça veut soit dire qu'est-ce qu'il raconte, ou je suis pas d'accord avec toi, ou j'ai un problème avec toi. Ça veut dire attends, je réfléchis. Toi, c'est lequel, toi? Deuxième. En islam, on ne peut pas marier la femme et sa sœur. Mais en islam, on ne peut pas aussi marier la femme dans sa perte de virginité. Aussi en islam, on ne peut pas marier la femme sans wali, sans témoin. Et tout à l'heure, on a montré des cas où c'était valable. Donc, qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu lui dis? Il les aime les deux. Il est heureux. Il a fait une maison à chacune des deux. Il a investi beaucoup d'argent. Tu ne les sais pas. Pourquoi? Parce que les compagnons ont agi ainsi. Moi, je voulais juste une règle. Je vous ai dit, quand vous avez cette règle, vous vous tromperez. C'est simple. Masha'Allah, Allah mabarak. Rappelle-moi ton prénom. Abdullah. La meilleure réponse pour le meilleur prénom. T'as pas de mérite dans ça, c'est les parents qui donnent les noms. Mais ça nous fait plaisir quand même. Mais moi, je suis content de m'appeler Ibrahim, mais je n'ai aucun mérite dedans. Ça, c'est là. Donc, comme a dit Abdullah, justement, la règle dit, on doit regarder à l'instant présent, est-ce qu'elle lui est licite ou pas. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va regarder la première qu'il a épousée. Okay. Ce mariage-là, qu'est-ce qu'on en dit? Il est valable. Et la deuxième, sa sœur, il n'est pas valable. Qu'est-ce qu'on fait? On sépare, mais que avec la deuxième. Un autre cas de figure, comme il fut dit, بالمثال يتضح المقام. Pourquoi est-ce qu'on mentionne beaucoup d'exemples dans le cours de fiqh, contrairement à beaucoup d'autres cours? C'est qu'avec les exemples, ça s'éclaircit et s'enracine la règle et tu retiens par cœur. Na'am. Donc, un autre cas de figure. Il a épousé deux sœurs. Un an plus tard, l'une des deux décède. Puis il vient nous voir et il nous porte son affaire. Quel est le jugement de son mariage? Vous avez retenu le cas? Il a épousé deux sœurs, l'une des deux est décédée. Un an plus tard, il vient nous voir, il nous demande son jugement de son mariage. Il est valide, car au moment présent, il n'y a rien qui rend illicite cette femme à cet homme-là. Donc, c'est valable. Effectivement, c'est valable. Voici pour ces quelques règles. On poursuivra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Je veux vous raconter l'histoire de Al-Harith ibn Auf. Al-Harith, Al-Harith ibn Auf, à son époque, était Sayyid al-Arab. C'était un des chefs et un des plus nobles chez les Arabes. Et un jour, en vantant ses mérites, il a dit: je ne pense pas qu'une maison pourrait me refuser sa fille. Je suis le Harith ibn Auf, Sayyid al-Arab. Il était avec son compagnon, une personne qui l'accompagnait, Naam, par définition. Et lui, il lui a dit si. Il était avec son compagnon qui s'appelle Kharijah ibn Sinan, avec son ami. Il lui a dit: Atarani akhtubu ila ahadin min al-arab fayaruddani. Penses-tu que je pourrais demander en mariage une fille d'une maison chez les Arabes qui se conclurait par un refus? Est-ce qu'une personne pourrait avoir de la répulsion à m'avoir moi dans sa famille? Alors, il lui a répondu, donc Kharija a dit Al-Harith, il lui a dit: oui, j'ai trouvé quelqu'un. Aws ibn Harith, un autre chef chez l'Arab, qui avait trois filles. Alors il a dit à Kharija: allons-y. Et il s'est rendu chez lui. Et lorsqu'il l'a vu, il l'a bien accueilli, il lui a souhaité la bienvenue et il lui a dit: je suis venu, anidiktu khatiban. Il lui a dit: je suis venu pour demander la main d'une de tes filles. Il lui a répondu: il n'y a personne ici pour toi. Ça l'a touché. Subhanallah, moi Al-Harith ibn Auf, c'est l'Arab, on me rejette. Il est reparti. Kharija lui a dit: alors, comment ça s'est passé? énervé comme vous pouvez l'imaginer, il a dit, c'est négatif. Il a dit, c'est négatif. Puis, il est parti voir, donc Aous, un autre, celui qui a refusé, a retrouvé son épouse et lui a raconté. Son épouse lui a dit, quoi? Tu as rejeté Sayyid al-Arab al-Harith ibn Awf? Il lui a dit, ne souhaites-tu pas marier tes filles? Il lui a dit, bah là, certes. Il lui a dit, et si tu la refuses à Sayyid al-Arab, à qui est-ce que tu vas la marier après? Et là, tu vois l'intelligence et la noblesse de cette femme. Cette histoire, elle est racontée en général pour montrer la noblesse des femmes. Puis, il lui a dit, mais khalas, yani, c'est trop tard, il est parti, comme tu peux l'imaginer. Elle lui a dit, non, rattrape-le. Et dis-lui que tu t'es énervé pour une autre chose, pas en rapport avec lui. Car certes, les gens nobles, on ne les rejette pas comme ça, d'une mauvaise manière. Il a dit, d'accord. Il est parti le trouver, s'est excusé, il a dit, j'étais énervé, mais la tête ailleurs, reviens. Enfin. Puis, il lui a dit, appelle la plus âgée des trois. Il a appelé la plus âgée des trois et a dit, voici le Harith ibn Awf qui est venu te demander en mariage. Que dis-tu? Naam. Parce qu'en islam, on ne peut pas contraindre une fille à se marier. On ne peut pas contraindre une fille à se marier. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu, ça n'est pas un bon parti. Il parle mal de la langue. Et il a tel et tel comportement. Et il n'est pas de ma famille pour préserver le lien de parenté, ni mon voisin pour avoir honte de toi. Il pourrait me divorcer comme ça. Il lui a dit, barakallahu fik, tu peux partir. Puis il lui a dit, appelle la Benjamine, c'est comme ça qu'on dit, ou la cadette. La, celle qui n'est pas la plus grande, on appelle la cadette, c'est comme ça. Appelle la cadette. Et elle est venue, il lui a proposé le halif, elle a répondu la même chose. Elle a répondu la même chose. Il lui a dit, tu peux partir, barakallahu fik. Donc, ni c'est mon cousin, ni c'est mon voisin, et ainsi de suite. Puis il a appelé la plus petite. Et il lui a posé la question. Voici le Harith ibn Awf. Ja'ani khatib. Il est venu pour demander ta main. Elle lui a répondu, Anta wa ma turid. Elle lui a dit, fais ce que tu veux. Je suivrai ton avis. Il lui a dit, mais j'ai proposé à tes deux sœurs avant toi. Elles ont répondu ceci et cela. Naam. Et toi, tu réponds ça? Elle lui a dit, moi. Elle lui a dit, Innil jamilatul wajha. Elle lui a dit, moi, je suis celle qui est rayonnante. Moi, je suis celle qui a un visage radieux. Moi, je suis celle qui est belle, celle qui est intelligente et celle qui donne la meilleure orientation et les meilleurs conseils. Moi, je suis et moi, je suis. Vous avez compris? Et moi, je ne suis pas au même niveau que mes sœurs, mes aînés. Elle a dit, Lakinnani al-jamilatu. Moi, je suis la femme qui est très belle. Zatul hasab. Je suis la femme noble. Et je suis la femme douée. Elle lui a dit, je crains aucunement qu'il me divorce. Et s'il me divorce, comment est-ce qu'il pourrait trouver semblable à moi après? Ou bien qu'Allah ne le remplace pas par meilleur que moi, ou par semblable à moi. Alors, Aous est parti voir son épouse et lui a dit de préparer sa fille. Naam. Et il a appelé le Halif et lui a dit, je t'ai marié, ma fille, une telle. Ils avaient une ada, ils avaient une habitude. Quelle était cette habitude? Vous savez que chaque peuple a sa coutume. Chaque peuple a sa coutume. Et leur coutume à eux, c'était que l'homme dorme chez la belle famille et qu'il lui prépare une chambre pendant 3 nuits. Non. Et que par la suite, il prenne la route et qu'elle aille dans son foyer conjugal chez son époux. Ce soir-là, il est rentré auprès d'elle. Il a voulu prendre ce que prend l'homme de son épouse. Elle lui a dit, Mah. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Non. Elle lui a dit, chez moi, en plein milieu de ma famille, avec mon père, mes frères. Il a dit, d'accord. Yani, je reconnais la situation. Plus tard, ils ont pris la route et ils sont partis. En chemin, il s'est arrêté dans un endroit et il a voulu prendre ce que l'homme prend de son épouse. Elle a dit, Mah. Comme une femme du butin, comme une femme comme ça, sans grande valeur. Non. En chemin comme ça. Il lui a dit non. Mais plutôt comme une princesse chez l'Arab. Comme une femme qui a telle prestance et qui a tel niveau. Elle lui a dit là, Wallah, jusqu'à ce qu'on arrive chez toi. Et jusqu'à ce que tu fasses sacrifier des chameaux et des chamelles, jusqu'à ce que tu fasses sacrifier des bovins et des ovins, et que tu invites les Arabes à une grande walima, un grand repas de mariage. Ainsi, ta renommée sera très haute. Et j'ai oublié à chaque étape, donc lorsqu'il est sorti de chez ses parents, il a rencontré son fidèle ami. Il lui disait, alors, est-ce que tu as conclu tes affaires? Il lui disait, non. Ensuite, en chemin, alors, tu as conclu tes affaires? Il lui disait, non. Arrivé là-bas, arrivé sur place, non. Il lui disait, alors, il lui donnait la réponse. Est-ce que le mariage est consommé, c'est réglé? Non. La première fois, il lui a dit, je vois chez cette femme-là une grande détermination, une grande ambition. La deuxième fois, il lui a dit, je vois chez cette femme-là une grande détermination, une grande ambition. Une grande intelligence. Par la suite, ils sont arrivés dans sa ville. Khalija, l'ami de l'Harif, ils entrent, l'épouse, et la nuit, ils ont fait le walima, il a fait sacrifier des chamelles, des ovins, des bovins, ainsi de suite. Donc le soir, il s'approche d'elle pour prendre ce que prend l'âme de son épouse. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Et Annie, il a fait ça. Après la deuxième étape, il a fait ça. Troisième étape, normalement, là, il a fait tout ce qu'elle a demandé. Là encore, elle dit non. Elle lui dit, toi, tu penses à ton plaisir et à approcher ton épouse alors que les deux grandes tribus, Mahdash et l'Arab, sont en train de s'entretuer. Elle a dit, Wallah, on m'avait parlé de tes qualités, de ta noblesse, mais j'ai rien vu encore. Non. J'ai encore rien vu. Puis il est ressorti. Elle lui a dit, va réconcilier entre les tribus arabes. Et ensuite, tout le monde parlera de toi. Et tout le monde dira, tu as fait. Et ton épouse, elle ne va pas s'envoler. Ton épouse ne s'envolera pas. Il est sorti dans l'état que vous pouvez imaginer. Il a rencontré qui à nouveau? Son fidèle ami, Khalid. Il lui a dit, alors, il a dit négatif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé. Et l'homme lui a dit, Subhanallah, il a dit, je vois chez cette femme-là une grande intelligence. Je vois chez cette femme-là une grande détermination. Et un très bon conseil. Elle était très bon conseil. Elle est de très bons conseils. Voyez. À l'époque, il y avait de grandes guerres entre deux tribus arabes. Abs et Zoubian. Donc il est parti, avec son peuple, et il est parti réconcilier entre ces deux grandes tribus. Mais il y avait eu du sang qui avait coulé. Donc une des tribus n'a pas accepté, parce que le prix du sang ne lui a pas été donné, sans chamel. Alors lui, de son argent personnel, il a payé Eddiya, il a payé le, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, Eddiya, le prix du sang. Ainsi, il a réconcilié entre ces deux grandes tribus. Et sur le chemin du retour, tout le monde disait, c'est le Harith ibn Auf, c'est lui qui a réconcilié entre Abs et Zubyan, c'est le Harith ibn Auf, et tout le monde faisait ses éloges. Et si vous vous souvenez les recommandations de son épouse, fais ceci, tu auras cela fait. Ben, ça s'est passé exactement comme elle l'avait envisagé. Comme elle l'avait envisagé. Après avoir réconcilié sur le chemin du retour, il est rentré. Il a reçu les éloges des poètes, il a reçu les éloges des tribus, et lorsqu'il passait par les tribus, il faisait ses éloges. Plus tard, ils ont dit que cette femme-là est Sayyidatul Arab, Zatu Jamalin wa Aqlin wa Nusr. Elle a uni la beauté, la raison et la bonne orientation de son époux. Au final, il est rentré auprès d'elle. Et elle lui a dit maintenant oui, et il a pu enfin prendre ce que l'homme prend de son épouse. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.